premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire, cette semaine consacrée aux archives, qu'elles soient municipales, départementales, associatives, audiovisuelles, écrites ou nationales. Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, nous débattrons des archives associatives et des archives de mouvements politiques, syndicaux ou sociaux. Mercredi, nous discuterons de la particularité des archives cinématographiques et audiovisuelles. Et jeudi, du rapport, complexe peut-être, que l'État entretient avec ses propres archives. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette semaine par une approche pratique et sensible du métier d'archiviste dans nos départements avec Anne Bott. Elle est ethnologue, elle est auteure du Sens du Temps. Le sous-titre de ce livre dit tout, le quotidien d'un service d'archives départementales publié dans la collection Les Ethnographiques dirigée par Alban Binsa chez Anacarsis. Et Julien Bédéletti est également avec nous. Il est archiviste aux archives départementales des Bouches-du-Rhône et administrateur de l'Association des archivistes français. Bonjour à vous, Julien Benedetti. Bonjour. Vous êtes le responsable de cette série d'émissions et je vous dénonce devant tous les auditeurs de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire puisque il y a quelque temps, au moment où a commencé la querelle après la publication dans le journal Le Monde des pistes de travail du ministère de la Culture autour des archives essentielles qu'il faudrait conserver, vous m'avez sollicité en disant tout compte fait, ça serait bien de parler pendant toute une semaine des archives dans la Fabrique de l'Histoire. Nous l'avions fait il y a déjà quelques années avec le déménagement des Archives nationales, un feuilleton qui avait été conçu par Séverine Liattard et nous avons grand plaisir à le refaire maintenant. Vous travaillez aux archives départementales. C'est quoi la différence avec toutes les autres archives que de travailler dans les fonctions d'archiviste dans un département ? Alors, statutairement et institutionnellement, la grande différence, c'est que les archives départementales ont un rôle de contrôle scientifique et technique sur l'ensemble de leur territoire, un peu sur le modèle de la préfectorale. Donc la grosse différence, c'est effectivement, on est archiviste pour soi-même, pour sa collectivité, le conseil départemental, pour les services déconcentrés de l'État, mais on a aussi une mission d'accompagnement, de conseil et de contrôle sur l'ensemble des autres archives publiques du département. Public et privé aussi ? Que public, voilà. Mais alors, que pour les archives publiques, mais on a aussi pour mission d'intervenir sur ce qui est éventuellement externalisé chez des prestataires pour vérifier que les archives publiques sont aussi dans des conditions satisfaisantes de conservation. Mais néanmoins, si un privé vient déposer ses propres archives ou les archives de sa famille aux archives départementales, vous ne lui claquez pas la porte au nez ? Non, au contraire. En général, on a plutôt tendance à l'accueillir et de façon courtoise. Non, effectivement, dans les archives départementales, mais comme dans les autres échelons des archives publiques, on accueille bien volontiers des archives privées qui viennent compléter en fait les fonds institutionnels en apportant justement tout un pan de l'histoire populaire ou familiale qu'on ne peut pas retrouver dans des archives administratives. Alors bonjour Anne Bott. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous êtes l'auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, ça tombe bien, qui s'intitule Le Sens du Temps, donc préfacé par Christian Autain dans la collection Les Ethnographiques. Et le sous-titre de ce livre, c'est Le quotidien d'un service d'archives départementales publié chez Anacarsis dans la collection dirigée par Alban Binsa. Alors votre livre, c'est une plongée que vous avez faite il y a quelques années de cela dans un service d'archives départementales après avoir découvert des archives municipales. C'était à Bordeaux pour la première fois. Et ensuite, vous avez plongé dans un autre service et vous avez continué en travaillant aussi sur des archives nationales, puisqu'il s'agissait des archives liées à la diplomatie en particulier, des archives diplomatiques qui se trouvent à la Courneuve. C'est quoi la différence pour vous entre tous ces services d'archives que vous avez parcourus en tant qu'ethnologue ? Ah, ce qui est différent, c'est d'abord il y a une question de ce que disait Julien, donc il y a une différence de niveau de compétence. Les archives municipales, ça concerne vraiment l'histoire de la commune. Le département, les départementales, évidemment, ça concerne le département. Donc à chaque fois, on gravit en fait un échelon de l'administration différent. Et puis au niveau des archives, par exemple de la Courneuve, les archives du Quai d'Orsay, là c'est la France, mais la France internationale, c'est à une autre échelle. C'est-à-dire que à la Courneuve, par exemple, où sont conservés les fonds depuis le déménagement, ça va faire 5-6 ans à peu près, les fonds viennent de partout. Alors que aux archives municipales, les fonds viennent de la ville de Bordeaux et dans le département. Enfin, à chaque fois, c'est le territoire, ça grandit en fait. Et vous, ça vous a fait un choc de passer d'un rapport à faire sur les archives municipales de Bordeaux, pendant 2 mois, vous étiez resté dans cet endroit-là, à passer dans un autre service d'archives que vous ne nommez pas parce que vous avez un travail d'ethnologue qui passe à l'anonymisation de l'endroit où vous avez travaillé. On a l'impression que quand vous arrivez dans cette ville, qui est donc un chef-lieu de département, vous êtes un peu perdu. Oui, je suis évidemment perdue parce que j'avais jamais mis les pieds dans ce département avant. Contrairement à Bordeaux, puisque c'est quand même la ville où j'ai fait toutes mes études, où sont encore mes amis, mes parents, donc je connaissais le bâtiment des archives, mais évidemment j'étais jamais rentrée dedans. Vous photographiez. Oui, parce qu'il y a une superbe glycine. Et donc j'étais fascinée par la glycine, mais j'étais jamais rentrée. Et j'arrive dans un département où je ne connais absolument rien, j'y ai jamais mis les pieds. Donc au départ, les archivistes sont un peu déçus parce qu'ils se disent pourquoi nous, en fait? Et je leur explique que c'est parce que c'est loin et que pour des raisons pratiques, ça m'arrange d'être loin parce que si j'enquête dans un service, par exemple, comme je vis à Paris, en Île-de-France, ça veut dire que le soir, je rentre chez moi, je m'occupe de mes enfants, je fais des machines de linge, je fais des courses. Or là, je suis à 6 heures de mon domicile et donc je suis entièrement disponible pour l'enquête. Sauf que, bon, les archivistes, ils sont pas forcément disponibles autant que je le voudrais parce qu'ils vivent leur vie. Et c'est pas parce qu'il y a une ethnologue qui prend des notes toute la journée qu'ils vont se rendre beaucoup plus disponibles qu'avant, quoi. Voilà. Et alors, cette différence aussi tient à ce que vous notez de leur travail par rapport à ces archivistes municipaux que vous avez croisés à Bordeaux quelques temps plus tôt, et en particulier de la fréquentation de ces archives. C'est-à-dire que vous aviez l'impression que il y avait une sorte de ruche à Bordeaux avec beaucoup de gens qui venaient aux archives municipales pour des papiers, pour tout un tas de choses, des généalogies, des choses comme ça. Et puis, vous arrivez dans des archives donc départementales, et là, vous dites, il y a 3 personnes dans la salle de lecture. C'est pas beaucoup, et vous vous étonnez justement de ce type de travail qui change, de cette polyvalence que vous aviez notée dans les archives municipales de Bordeaux et que vous voyez peut-être moins à l'œuvre dans ces archives départementales, Anne Bott. Oui, c'était un changement mais radical, mais qui était souhaité d'ailleurs. À Bordeaux, depuis, les archives municipales ont déménagé, hein, mais j'étais dans un espèce de, comme dit Eric Wittersheim, une espèce d'enchantement du terrain, c'est-à-dire que le bâtiment, c'était un vieil hôtel particulier du 17e, qui était magnifique. Le parquet Crac. Voilà, le parquet Crac, c'était magnifique. Il y avait à peu près plus de 70 tableaux dans le bureau de la conservatrice, qui était quasiment un cabinet de curiosité. Et Bordeaux est une ville universitaire, donc il y avait des étudiants, des chercheurs, des généalogistes, mais il y avait aussi des fonds historiques qui sortaient. Et puis quand je suis arrivée donc à Montaville, hein, puisque c'est comme ça que j'ai appelé cette ville, il n'y a pas d'université, donc il n'y a pas de chercheurs, il y a peu de fonds qui sortent, et il y a surtout des retraités qui sont devant un écran et qui consultent tout ce qui concerne la généalogie, c'est-à-dire le fonds des notaires et l'état civil. Rassurez-nous, si Anne Bott était allée dans les archives départementales du Bouches-du-Rhône, il y aurait eu un peu plus de monde, en l'occurrence Julien Benedetti ? Oui, il y aurait eu plus de monde, effectivement, vu l'urbanité de Bougeron. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on a moins de lecteurs en salle que ce qu'on a pu en avoir, notamment avec un pic sur les généalogistes avant que les documents soient numérisés. Aujourd'hui, effectivement, donnant accès par Internet, on a moins de monde en salle parce que finalement, le public s'est aussi déporté. Et ça, c'est d'ailleurs une particularité des archives dont il faudrait peut-être parler, c'est-à-dire que ces archives sont là pour répondre à un besoin de la population, pas simplement de l'État ou des collectivités territoriales. Et on a vu, quand on suit comme moi cette question des archives depuis pas mal de temps, plusieurs dizaines d'années, on a vu d'abord des tout petits espaces consacrés aux archives départementales, puis une fois la puissance de la décentralisation exercée, ces espaces grandir, on les a vus déménager, on les a vus s'installer dans de très beaux bâtiments, au prétexte justement qu'ils étaient très fréquentés, ces bâtiments, par les généalogistes. Et puis maintenant que tout a été numérisé, eh bien ces grandes salles sont un petit peu vides, Julien Benedetti, et alors, ça paraît étrange justement. C'est-à-dire que vous vivez au rythme d'une demande sociale que vous créez, que vous recevez et qui doit, avec laquelle vous devez faire tous les jours votre travail. Alors, comme je disais, le public s'est déporté, donc en partie pour les généalogistes, par exemple, sur Internet. Ce qui a aussi fait qu'il y a eu une chute, par exemple, au niveau des chercheurs, c'est la réforme LMD, que nous subissons, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de licence, de mémoire, master, doctorat. Voilà, il n'y a plus de mémoire de maîtrise, donc effectivement, du coup, moins d'étudiants qui font aussi de la recherche, tout bêtement. Par contre, il y a aussi une adaptation, alors des services d'archives de façon globale. Hein, ça marche aussi pour les municipaux et pour tous les territoriaux. On a une action importante vers les scolaires. Alors effectivement, c'est pas du public qui vient en salle, c'est du public en général qui vient pour des ateliers pour découvrir ce que c'est les archives, ce que c'est la mémoire de leur commune, de leur département, ou plus largement d'une mémoire collective nationale. Et effectivement, il est pas visible en salle, mais on accueille quand même beaucoup de public. Anne Bode, vous avez senti cette respiration, pourrait-on dire, au sens positif d'un service d'archives départementales qui ne dépend pas simplement de ceux qui y travaillent, mais qui dépend d'une politique globale vis-à-vis des archives, de la façon dont justement les conseils généraux peuvent prendre en charge ces questions d'archives ou pas, c'est-à-dire de voir comme un rétrécissement ou un élargissement de sa fonction en fonction des politiques plus larges. Vous l'avez ressenti dans votre terrain justement à Montaville? Non, pas spécialement. Par contre, ce que je voulais juste revenir sur quelque chose qui me semble important. C'est concernant la numérisation. On parlait tout à l'heure des salles, en fait. Quand un service d'archives est saturé, obtient un financement, enfin, pour une extension, pour une nouvelle salle de lecture. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a une distribution de budget. Une année, c'est la médiathèque. Donc, les autres disent rien. L'année d'après, c'est autour de la bibliothèque. Mm-hmm. Après, c'est enfin autour des archives. Donc, une fois que les archives ont enfin leur belle salle, bah, des années après, ils passent à la numérisation et là, la salle est vide. Et en fait, la numérisation, c'est vraiment epsilon de l'ensemble des fonds. Et pourquoi c'est numérisé ? Au départ, c'est pour protéger les registres qui, à force d'être consultés, étaient vraiment... Fatigués. Étaient très, très, très abîmés. Donc au départ, c'est aussi une mesure de conservation. Oui, mais qui date... En fait, la numérisation, c'est juste l'héritage du microfilmage, mm-hmm. en fait. Il y a eu des grandes campagnes de microfilmage dans les années 60 et 70. Voilà. Et donc, ça fait très longtemps, en fait, que les généalogistes ont l'habitude de manipuler ou de regarder un duplicata, en fait, une copie. Il n'y a pas de... Voilà. Ce dont on a l'impression, Julia Benedetti, c'est que quand je parlais de politique globale, vous subissez ou vous vivez au quotidien la façon dont on décide, soit au sommet d'État, soit au sommet des collectivités territoriales, de ce que sera la politique à mener dans les 5-10 années à venir, comme des sortes de plans quinquennaux qui se mettraient en route, par exemple des plans de numérisation, par exemple cette idée que à un moment on a naïvement cru que la numérisation dans nos bureaux ferait qu'on produirait moins de papier, par exemple. Et là, vous vous retrouvez avec une contradiction, c'est-à-dire plus on numérise, plus il y a de papier à saisir, à trier, à traquer les doublons, les triplons que l'on peut avoir sur chacun des documents que les archives se doivent de conserver. Et cela, ça n'était pas évidemment prévu, mais vous devez, en tant qu'archiviste départemental, faire le tri entre ces demandes qui sont extérieures et la réalité de votre propre travail. C'est là où, par exemple, on touche effectivement à une différence notable qu'il peut y avoir entre l'échelon communal et départemental, c'est que au niveau communal, il y a une proximité, par exemple, de l'élu et d'une volonté politique de l'orientation du service qui est assez directe. Pour les départements, le fait que nous travaillons à la fois pour les services de l'État et pour le département, fait que finalement on a cette double tutelle et qu'on répond plus finalement aux politiques de collecte de côté État. Et finalement, l'élu départemental étant finalement moins identifié à son territoire, a moins d'action auprès du service d'archives que ce qu'on peut connaître en commune. Concernant, oui, le mythe du zéro papier, effectivement, je pense qu'on est tous conscients, enfin j'espère, que la bureautique a au contraire permis l'explosion d'une production qui, in fine, est papier. 90% aujourd'hui de ce qu'on peut collecter est papier, effectivement, avec un problème de version de documents, de duplicata, de diffusion d'informations par nos boîtes mail dans différents services ou institutions, et où retrouver tout ça, ben en fait c'est le cœur de notre métier, et le cœur de notre métier finalement il n'est pas dans le service aussi, il est auprès des producteurs, il est au niveau de la collecte et pas en aval dans nos services. Oui, ça veut dire effectivement, et vous le racontez dans le sens du temps, Anne Bode, que quand un directeur d'archives départementales doit aller à la MSA pour récupérer des archives donc de la Mutualité Sociale Agricole, il s'aperçoit que on compte en tonnes. les archives en question, et que la MSA a dit bah oui, on en a éliminé 3,5 tonnes l'année dernière, et que ils ont des yeux ronds comme des soucoupes en disant mais comment vous avez pu éliminer 3,5 tonnes alors que vous êtes un service théoriquement lié à l'État en tant que mutualité sociale agricole, et que vous devez nous avertir avant toute destruction de documents. Oui, ça, c'est vrai que cette scène, elle est que je relate, elle est assez cocasse, parce qu'en plus la personne qui s'occupe des archives est persuadée qu'il y en a déjà beaucoup qui a été confié au service des archives départementales, et donc le directeur qui est avec son collègue qui est responsable de la série dite W, c'est-à-dire les archives contemporaines, dit non, on n'a jamais reçu, vous êtes sûr? Et en fait, il y a encore quelques services qui en toute bonne foi, continue à éliminer, etc., sans savoir qu'il faut passer par un visa d'élimination et que on n'a pas le droit de détruire des archives publiques, quoi. Voilà. Parce que, en fait, ce qui est très à la fois excitant, intéressant et surprenant à vous lire dans le sens du temps, Anne Bott, c'est que vous décrivez cette montagne à gravir chaque jour par les archivistes de la conservation, c'est-à-dire ces tonnes d'archives ou ces linéaires, kilomètres linéaires d'archives qui arrivent régulièrement. Et vous reprenez, non pas à votre compte, vous êtes ethnologue, vous regardez, mais cette phrase de ce directeur d'archives départementales qui dit « La difficulté, c'est le jour où on sera saturé par les documents d'avant-hier à éliminer après-demain ». Oui, c'est ça. Alors, la spécificité aussi de ce service, c'est pour ça que c'était intéressant par rapport à Bordeaux, puis par rapport à ce que j'avais vu au nouveau bâtiment, aux archives diplomatiques où j'avais passé 2 mois, puis après dans d'autres services, aux archives nationales, etc. C'est que dans le département, enfin dans la ville de Montaville, en fait ils ont de la place, ce qui est assez rare dans un service d'archives, donc ils ont des dépôts qui sont quasiment vides. Et les chanceux. Ouais, et du coup les services versants, enfin les services du département ont des fois tendance à donner des archives quand ils n'ont plus de place, c'est-à-dire ils les donnent. Ne pas les trier en amont. C'est ça, donc ils les balancent, et sachant qu'en plus il y a des choses qui sont pas censées être conservées, quoi. Donc l'archiviste rappelle qu'il n'est pas, il n'est pas déménageur, il n'est pas non plus éboueur, et que le service versant doit faire son boulot en amont. Oui, alors ça, il faut peut-être insister là-dessus, Julien Benedetti, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas comment se font le travail, se fait le travail au quotidien d'un archiviste dans un département. D'abord, vous l'avez dit, il faut se rendre dans les administrations versantes, comme on dit, tous les services de l'État, déconcentrés ou non, qui pourraient déposer chez vous. Et puis, il faut discuter avec ces personnes-là, vos interlocuteurs sur place. Il faut saisir ces documents quand ils arrivent. Comment ça se passe exactement? Il faut surtout les trier une fois qu'ils sont arrivés aussi, parce qu'il y a un premier tri qui théoriquement est fait par les administrations versantes, mais il y en a un deuxième qui est fait par les archivistes eux-mêmes. Alors, déjà, il faut noter que les archives départementales, c'est la petite face, la petite partie émergée de l'iceberg. Nous avons aussi beaucoup de collègues qui travaillent dans les services producteurs directement. C'est-à-dire que quand on dit les services producteurs préparent, souvent, ils ont en fait un archiviste qui est au quotidien avec eux et qui gère leurs archives au quotidien, comme c'est le cas, par exemple, à Radio France, où vous avez une équipe d'archivistes qui gère vos archives. Absolument. Avant de pouvoir les verser aux archives nationales. Donc, effectivement, quand on a cette chance-là, la qualité de ce qui nous arrive est largement supérieure si effectivement il n'y a pas d'archiviste, et que là c'est des administratifs qui gèrent ça, et qui ce qui nous arrive c'est on a gardé ou on n'a pas gardé, parce qu'on avait de la place, parce qu'on n'avait pas, parce qu'on trouvait que c'était bien ou pas, mais basé sur très peu de règles. Donc effectivement c'est pour ça que nous on entretient de plus en plus de relations avant les versements avec les services, pour leur apporter de la réglementation, des circulaires, et que la collecte soit bonne. Un exemple, que faut-il faire? Je sais pas, un service voudrait déposer quelque chose. Comment vous procédez? Et en quoi, d'une certaine façon, votre travail au quotidien se déroule-t-il? Alors déjà, en général, il y a une visite toute bête pour voir effectivement l'état sanitaire ou l'état d'encombrement. Ça, ou c'est technique. Les conditions, voilà, matérielles pour savoir ce qu'on peut faire. On fait globalement une évaluation de ce qu'il y a comme typologie de documents et comme informations. Et on les aide à préparer ça au mieux. Et ça arrive régulièrement. En fait, vu les masses, c'est un traitable par nous après. Donc on les incite à embaucher des gens, même si c'est de façon ponctuelle ou contractuelle, pour préparer les versements. Alors, ce qui est étrange, quand on vous lit, Anne Bott, c'est que dans ces services d'archives départementaux, Il n'y a pas que des gens qui, comme Julien Benedetti, ont fait des études d'histoire et des études d'archivistique. Il y a des gens qui sont arrivés un peu par hasard. Et à Montaville, vous en avez pas mal, ouais. Qui d'ailleurs ne cessent de dire « je ne suis pas archiviste ». Alors ça, expliquez-nous, c'est quoi la différence au sein d'un service d'archives départementales entre ceux qui se disent, qui se prétendent, qui ont un titre avec une estampille parce qu'ils ont fait l'Institut National du Patrimoine, section archives d'archivistes, et ceux qui disent « non, non, je ne suis pas », même s'ils sont là depuis 40 ans ou 30 ans dans ces services. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai vu ça, j'ai rencontré ce cas de figure à Bordeaux et puis effectivement à Montaville, où pendant longtemps, les services d'archives étaient un peu quand quelqu'un, on ne savait pas trop où le placer dans une collectivité locale, on le mettait aux archives, voilà. Mmh. Ou alors à Bordeaux, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait sur une motocrotte au service de l'hygiène, et puis qui avait mal au dos et donc il pouvait plus faire ce boulot, donc il s'est retrouvé aux archives. Alors, ce qui est étonnant, c'est pas tellement la façon dont ils sont nommés dans ces services, c'est la façon dont ils s'emparent de ce nouveau métier qui n'est pas celui qu'ils avaient prévu de faire. Et il se trouve que je pense que moi j'ai rencontré que des gens qui étaient passionné, sinon il serait pas resté. Évidemment, faut pas être naïf non plus. Et après, donc c'est des gens qui au départ n'ont pas de formation d'archiviste et qui font de la formation permanente. Et qui font de la formation, sauf que Montaville est quand même assez isolé et c'est pas simple. C'est plus facile de faire de la formation quand on est à Paris, par exemple, de faire des stages plutôt quand on est isolé. Et puis il y a aussi mais ça diminue de plus en plus avec la nouvelle génération que le archiviste c'était aussi un titre, celui d'archiviste paléographe. Qui est délivré par l'École nationale des chartes. Et aujourd'hui, enfin, ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant, il y a une école d'application dont vous parliez, qui est l'Institut national du patrimoine, qui forme des archivistes conservateurs. Il y en a un par, en général, un maxi deux par service d'archives départementales. Et puis après, il y a plein de masters d'archivistique, et ce qui fait que maintenant, il y a des jeunes, enfin, qui à force finissent par plus être jeunes, qui ont un diplôme public, un master en archivistique, et qui eux assument en disant, ben moi, je suis archiviste, je suis pas conservateur. Mais je suis archiviste. Mais dans certains services, les gens hésitent parce que pour eux, archiviste, c'est le directeur. Oui, il y a par exemple un photographe de presse qui s'est arrêté de travailler dans la photographie de presse parce qu'il n'y avait plus de boulot et qui devient membre de ces archives départementales de Montaville. Je répète pour nos auditeurs, s'ils cherchent Montaville sur une carte, ça n'existe pas. En tout cas, c'est le processus d'anonymisation donc lié au travail d'ethnologue qu'a mené Anne Bott. Justement, sur cette disparité, pourrait-on dire, dans les archives départementales entre tous les types de personnes qui y travaillent, Julien Alors, Benedetti. Les archives départementales en soi peuvent pas être une entité dans le sens où, comme tout mon département, il y a des fortes inégalités. Je travaille dans un département où on est un service de plus de 70 personnes. À Montaville, ils sont bien moins nombreux. Il y a des services municipaux, c'est le cas par exemple pour Bordeaux, où il y a une quinzaine de personnes, qui est un service plus gros que dans certains départements. Donc la hiérarchisation est aussi plus importante quand on a un gros service, parce que les strates effectivement hiérarchiques, comme n'importe quelle organisation, sont plus importantes. Sur l'identification au terme de métier archiviste, je pense qu'effectivement, c'est qu'aussi ce que ça recouvre comme réalité est très large. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des collègues dont le travail, c'est faire du magasinage, c'est-à-dire soit réceptionner les versements, soit fournir les documents en salle. On a des collègues qui font du reconditionnement, qui sont aides-archivistes. On a des collègues comme mon niveau, où on fait du classement de fonds. Et on a nos conservateurs qui dirigent, qui managent, mais qui aujourd'hui, dans les gros départements, ne touchent quasiment plus un document. Ils sont chefs d'établissement. Et des documents, on en trouve de très surprenants, comme celui dont on va entendre l'interprétation, une pièce retrouvée aux archives départementales du Nord à Lille, dans un manuscrit qui était intitulé « Pièce à trois viols » par Monsieur Fourcroix, et qui a été attribué à Antoine Forqueray, donc un auteur, compositeur de la fin du XVIIe, du début du XIXe siècle, la pièce à trois viols. Thank you. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée comme toute cette semaine à la question des archives. Et nous venons d'écouter la pièce à trois viols par Monsieur Forcroix, retrouvée dans les archives départementales du Nord et interprétée ici par Vittorio et Lorenzo Guilmi, Rodney Prana et Luca Pianca. Alors, on parle de ces archives départementales, de la façon dont on travaille au quotidien. C'est ce que vous avez observé, Anne Bott, dans Le Sens du Temps, ces archivistes départementaux. Moi, ça m'a beaucoup amusé parce qu'en fait, quand on vous lit, d'abord, votre livre est très agréable, très facile à lire et très, très bien écrit. Mais surtout, on y retrouve quelque chose qui a trait avec l'artisanat. Quand je suis rentré à Radio France, mon premier réalisateur m'a dit deux ou trois maximes que je répète maintenant dans les cours que je donne. Faut pas mettre un litre et demi dans un litre, des choses comme ça. Et là, les maximes que vous avez recueillies de ceux qui travaillent au quotidien dans les archives départementales, c'est ce qui est fait des plus affaires. Ou encore, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant parce que vous voyez des archivistes qui sont noyés sous des kilomètres linéaires d'archives. Mais ils sont pas noyés, c'est ça le pire. Non, mais c'est ça. Voilà. Et donc vous dites, moi je le ferai pas, je ne pourrais pas le faire. Quand cette jeune archiviste que vous croisez vous dit qu'elle a fait 15 000 notices de tous les livres et toutes les notices de la bibliothèque des archives départementales en un an, qu'elle ne s'est pas ennuyée à faire ses notices avec les codes ISBN, vous dites c'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et puis moi, c'est intéressant que vous parliez de ça parce que c'est une jeune fille plutôt discrète et un petit peu en retrait. Je suis dans son bureau, on fait un entretien et puis elle m'explique un peu ce qu'elle fait. Et puis bon, il y a une certaine proximité qui s'instaure entre nous qui était pas gagnée dès le départ. Et puis c'est détendu, elle prend la parole, tout ça. Et puis j'ai envie de lui faire dire, mais t'as pas pété les plombs, 15 000, parce qu'en fait c'est 15 000 notices à saisir avec des chiffres à chaque fois différents. Enfin, c'est un boulot de dingue. Et je lui dis, mais t'étais pas soulagée, contente? Elle me dit, ben non. Et moi je dis, j'ai compris qu'elle était pas comme moi et que les archivistes avaient un rapport au temps et à la masse et que de toute façon, une fois que c'était fini, il y avait autre chose derrière et que ça faisait partie de leur métier, quoi, de s'affronter comme ça à un travail répétitif qui doit être bien fait parce qu'on n'aura jamais le temps de reprendre. Donc on prend le temps de faire les choses bien et une fois que c'est fini, on attaque un nouveau chantier. Oui, c'est la double immensité, dit Anne Bott, matérielle et temporelle, Julien Benedetti. Alors, je vais un peu nuancer personnellement. Au bout de la 5000e notice, je pense que je répétais un plan. Ah, plaisir. Comme je disais, alors, il y a pas les archivistes forcément peuvent pas être une unité. Je pense qu'on est aussi dans différentes démarches professionnelles les uns et les autres. On a différentes façons de voir notre métier. Il y a des gens qui sont plutôt effectivement sur les aspects patrimoniaux. Si je prends mon cas, j'ai toujours travaillé que sur des documents contemporains. Aujourd'hui, je travaille sur de l'archivage électronique, sur des bases de données. Mon rapport au temps, c'est plutôt l'immédiateté. Mon rapport à la masse, c'est que je dois en traiter un maximum dans un minimum de temps. Et qu'effectivement, c'est aussi aujourd'hui le débat qu'il peut y avoir sur les archives essentielles, avec un élément important qui finalement a été retiré du débat aujourd'hui, qui était amené par Christine Nougaret, qui était la macro-évaluation. Christine Nougaret, il faut préciser, donc c'est cette vice-présidente des archives, de l'association des archivistes français. Non, qui a eu un rapport qui a été commandé par Madame Azoulay, donc l'ancienne ministre de la Culture, et qui l'a rendu il y a quelques temps. Qui l'avait rendu en avril, mars-avril dernier, et dont a été extrait qu'une des notions en faisant une diversité comptable, on va dire, alors que la réflexion était une réflexion scientifique et d'aujourd'hui de quelle est la qualité de ce qu'on collecte, pourquoi on collecte et avec une réflexion sur les différents usages possibles, comme vous disiez tout à l'heure, les chercheurs, le citoyen, l'administration, on ne travaille pas pour un public, on travaille pour différents publics à différents moments. Et donc voilà, donc effectivement ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus nous, c'est travailler sur des grandes masses et on s'attache plus à, comme on le faisait au 19e, des répertoires analytiques à la page où vous pouvez quasiment jeter les documents tellement les analyses sont complètes. Aujourd'hui on essaie de travailler vraiment sur des fonds, parce que quand vous rentrez un fonds de 500 mètres linéaires, vous ne le traitez pas feuille à feuille, c'est pas possible. Donc je pense que ça dépend aussi des services, des tailles de services. Et là, le fait que ce soit un département rural qui soit un terrain fait aussi que ça engendre forcément certaines spécificités. Oui, Anne Bott, sur ces spécificités ouais. en particulier. Non, je voulais, parce que tout à l'heure, Julien, vous évoquiez l'immédiateté, ce que j'aurais trouvé aussi dans le service de Montaville, qui tout d'un coup, avec la création du site internet, se retrouve plongé dans l'immédiateté. Et comme une espèce de gros monstre qu'il faut alimenter sans arrêt parce qu'il faut nourrir le site. Et donc ces archivistes, plutôt l'ancienne génération, parce qu'en fait il y avait presque 15 ans, 20 ans d'écart entre les jeunes et les moins jeunes, se retrouvent plongés dans une urgence. Ils n'avaient pas l'habitude. Voilà, mais en même temps ce qui est intéressant c'est que soit ils travaillent pour l'éternité, soit pour l'immédiateté, mais dans tous les cas on est dans la négation du temps. Puisque soit c'est maintenant ou soit c'est l'éternité, mais le temps n'existe plus, quoi. Puisque c'est maintenant, quoi. Julien Benedetti. Et là où on a une tentative de maîtrise du temps, c'est justement par toute notre production professionnelle, par toutes les règles qu'on peut essayer de mettre en place pour justement, finalement, alors nier peut-être encore une fois le temps, mais se placer en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est de réfléchir à ce qu'on va faire des documents avant même qu'il existe. C'est-à-dire qu'une fois qu'un document. Ça veut dire quoi? Parce que là, ça veut dire qu'aujourd'hui, se questionner sur les documents avant même qu'ils existent. Oui, avant même qu'ils existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une procédure administrative est mise en place, on essaye, nous, d'intervenir en amont parce qu'on se dit, une fois que les documents vont exister, de quoi on a besoin comme information? Comment il faut qu'elle soit structurée? Comment les gens derrière vont en avoir besoin pour pouvoir s'en resservir? Si vous avez des courriers, par exemple, dans lesquels vous n'avez pas de signature, pas de date, pas d'objet, à quoi sert le courrier? Eh bien, le travail de l'archiviste, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi aider à créer des modèles types de documents qui fait qu'on va pouvoir s'en servir derrière. C'est ce qu'on a appelé avant de la diplomatique, hein, c'est savoir qui est le destinataire, qui est à l'origine du document, pour y compris certifier du coup de l'origine du document et de la qualité de l'information. Anne Bott, sur ces questions justement de plus on va en avant, plus il faut prévoir les archives qui arriveront dans son propre service. Ça c'est le vrai problème, c'est-à-dire que ça demande quand même une... Alors dans l'administration, il y a quand même une tradition d'enregistrement du courrier. Il y a des choses qui, puisque c'est l'exemple que vous preniez, moi je vois dans la diplomatie aussi, il y a toute cette tradition. Mais ça veut dire qu'il faut, c'est une contrainte qui est demandée aux agents des services publics de respecter dans leur travail et de respecter des normes, voilà. Ils sont pas tous forcément prêts à jouer le jeu. Alors, bon, là, je parle sous le contrôle de Julien, qui est un spécialiste, mais du nommage des documents, par exemple, quand vous avez un versement numérique avec réunion.doc et que vous avez 50 personnes qui vous donnent un fichier Word qui s'appelle réunion.doc. n'est pas drôle. Je veux dire, le tri d'un vrac numérique, c'est pire qu'un vrac papier, quoi. C'est un vrai problème. Et en amont, sur les façons de travailler, quoi. Oui, Julien Benedetti. C'est effectivement aussi l'un des biais qu'il y a pu avoir là dans la réflexion sur les archives essentielles, c'est que finalement, on s'émeut de se dire qu'on va peut-être éliminer des archives et de quel droit et en quoi elles sont essentielles ou non. Mais personne, finalement, n'a évoqué le fait qu'aujourd'hui, il y a un trou dans la collecte qui sera la bureautique, tout simplement. Tout ce qui est sur nos ordinateurs, comme je disais tout à l'heure, on les imprime beaucoup, on les imprime de moins en moins. Qui aujourd'hui, dans quelle administration on arrive à collecter des documents de qualité qu'on pourra transmettre au futur, je suis sûr de rien. Et sur quel support? Sur quel support, etc. Mais ça, on rentre dans un débat technique, à la limite, qui est réglé depuis un moment où on a des solutions. Le principal problème, c'est effectivement la caractérisation intellectuelle des documents et la qualité de ce qu'on va y trouver. Alors, je vous demande de préciser ce que vous voulez dire par là, Julien Benedetti, c'est-à-dire ces supports numériques qui pourraient vous arriver, quelle est la difficulté pour vous, selon vous, de justement ce tri, ce qui ne viendra pas à vous? Parce que il y a une très belle phrase que vous utilisez, Anne Bott, pour expliquer qu'en fait, au bout du compte, les archives sont une source, c'est comme ça qu'on les considère, mais ce sont surtout des points d'arrivée. Et il y a toutes les archives qui ne sont jamais arrivées jusqu'à nous parce qu'il y a eu des incendies, parce qu'il y a eu des destructions, parce qu'il y a eu des gens qui les ont laissées dans des endroits où elles ne pouvaient pas être conservées, etc., etc. Et c'est un peu la même chose avec le numérique, semblez-vous dire, Julien Benedetti. Il y a possibilité que des documents ne parviennent pas, malgré la possibilité qu'on a de tout conserver ou presque aujourd'hui. C'est ça. Il y a une illusion du tout conservé, effectivement. Et on voit bien que quand on conserve tout, au final, en général, on conserve rien puisqu'on ne sait pas ce qu'on a conservé. Et c'est là, effectivement, où c'est ce que utilise aussi comme terme Christine Nougaret. Elle dit que, comme les archéologues, on est les découvreurs des archives. C'est-à-dire que finalement, les archives, elles sont là, elles existent, mais l'archiviste, par la description, par le classement, fait que on peut rendre et on peut donner une utilité à ces documents. Comme disait Anne, si vous avez des documents qui portent tous le même nom mais avec des contenus différents, ça n'a aucun intérêt. Comment savoir quelle est la version du document qui a finalisé un document, qui a donné des validations? Vous avez aujourd'hui des validations ministérielles qui se passent par SMS. Comment l'archiviste aujourd'hui peut collecter ça, si ce n'est en récupérant les téléphones, en faisant des exports, etc. Sauf que ça rend beaucoup plus complexe que récupérer des archives papier dans une salle. Anne Bott. Oui. Et je voulais juste... ce que disait Julien me faisait penser à un détail, mais qui n'est pas vraiment en fait un détail. Vous avez par exemple certains documents Word, quand vous les ouvrez, ils se mettent automatiquement à la date du jour où vous les ouvrez. Alors si dans le document il n'y a pas marqué, je sais pas moi, Montavis le 11 décembre 2002, ben quand vous allez l'ouvrir, et ben vous allez, il y a un problème de date, il y a un problème d'authentification. Vous avez des documents par exemple, ils sont créés en 2004 et modifiés en 2001 par exemple. Mm-hmm. Il y a un vrai problème aussi. Effectivement. Non mais c'est pour de vrai. Il y a un vrai problème d'authentification, de version, d'authenticité, d'unicité des documents numériques. Voilà. Ce qui est très intéressant, Julien Benedetti, c'est que nous avons créé cette série d'émissions parce que certains comme vous nous ont alertés sur cette discussion qui était issue de cet article du Monde et sur les préconisations supposées du ministère de la Culture vis-à-vis des archives, avec ce terme d'archives essentielles. Et on a l'impression, à vous écouter, même à travailler sur ce sujet, que vous n'êtes pas si choqué en tant qu'archiviste par ce terme d'archives essentielles. C'est simplement ce qu'on va mettre derrière qui vous intéresse de façon différente. C'est-à-dire que si c'est une vision comptable de il faudrait supprimer des kilomètres linéaires, vous n'êtes pas d'accord. Mais si c'est effectivement continuer à faire le tri entre tous les documents que vous recevez, qui sont de plus en plus nombreux, ça, vous êtes d'accord parce que c'est votre propre métier avec les méthodes que vous mettez en œuvre. C'est ça, Julien Benedetti? Exactement. Aujourd'hui, ce qui peut poser problème, effectivement, c'est qu'en fait, ce document laisse à croire que, ce qui est d'ailleurs ce qui est noté, que l'archivistique tend à l'exhaustivité. Aujourd'hui, vous avez 40 km d'archives publiques qui sont collectées par an pour 700 km qui sont éliminés via BE, via bordereau d'élimination. Sans compter certainement toutes les éliminations sauvages qui peuvent être faites hors de notre contrôle. Donc on voit bien que c'est déjà combien, pas le cas. 40 par rapport à 700? Oui. Ouais, kilomètres. Donc, voilà. Et donc effectivement, parce que au-delà du matériau historique qu'on peut collecter, il y a aussi effectivement une réalité, enfin la réalité comptable en fait, on en a déjà conscience. Après, ça ne peut pas être le seul paramètre et la seule aiguille pour nos politiques de collecte en termes patrimoniales. Et la définition de ce que sont des archives patrimoniales, avant on appelait ça des archives définitives, aujourd'hui on parle d'archives essentielles, c'est juste des méthodologies différentes, mais effectivement c'était déjà notre travail depuis longtemps, et la définition même de nos fonctions, de nos métiers, etc., notamment dans l'Association des archivistes français, on y travaille depuis longtemps et c'est rien de nouveau. Et ça veut donc dire que vous pouvez saisir ce début de polémique, d'une certaine façon, en tant qu'association des archivistes, par exemple, pour pouvoir remettre au centre du jeu ce qu'est le travail d'archiviste, et qui est relativement peu connu, il faut bien le reconnaître, même de ceux qui, surtout pour ceux qui n'ont pas encore lu le travail d'Anne Bott. On remerciera jamais assez le conseiller d'État qui a eu la mauvaise idée d'écrire ce document, effectivement, parce que aujourd'hui, on parle des archives, alors dans une émission comme la vôtre, évidemment, mais on en parle déjà, mais dans des émissions plus grand public, dans la presse, ça nous a permis aujourd'hui d'expliquer mieux notre métier. Par exemple, un des reproches qui nous est fait aujourd'hui par une partie des historiens, c'est au-delà des éliminations dont ils avaient conscience, c'est la transparence de nos choix, les méthodes qu'on met en place. Effectivement, là-dessus, on a peut-être un effort de pédagogie à faire, bien que les documents, les circulaires qui nous servent à éliminer ou conserver des documents soient publics. Oui, parce que dans une ère du soupçon comme celle que nous vivons au quotidien aujourd'hui, on peut se dire censure, volonté d'éliminer. Dès qu'on utilise même le terme d'éliminer, on ne sait pas très bien ce qu'on élimine. Donc qu'à partir de ce moment-là, quels sont les choix, y a-t-il des choix secrets qui sont faits pour pouvoir faire disparaître des documents qui pourraient être gênants, etc., etc. Et évidemment, après, quand le pouvoir politique veut se protéger, ce qu'il fait en général, c'est qu'il rallonge les délais de communicabilité. C'est-à-dire que vous avez des documents, mais qui ne sont pas consultables par le grand public, hors système dérogatoire. C'est beaucoup plus simple, finalement. Aujourd'hui, les archivistes, comme un petit peu tous les métiers de la culture qui sont dans la sphère publique, doivent à la fois effectivement travailler sur une commande politique qui est réelle, mais en même temps ont aussi une éthique. On a un code de déontologie en tant qu'archiviste et qui est notamment pour la protection du citoyen et de ses droits. Ça, c'est tout à fait intéressant parce que on se souvient, avant que vous vous mettiez à travailler, je pense, en tant qu'ethnologue sur ce sujet-là, combien il y a eu des débats au début des années 2000, en particulier Anne Bott, sur le rôle de l'archiviste, sur son attachement presque maladif, c'était comme ça qu'il était décrit, à la raison d'État, par exemple. Il y a eu des débats autour de Jean-Luc Einaudi quand il y avait eu les archives du 17 octobre 1961 à faire sortir et à faire connaître au grand public. Et on a l'impression que ces débats ont eu une vertu, c'est qu'ils ont obligé les archivistes à imaginer leur propre rôle, à savoir où ils étaient placés dans des structures publiques, à se penser comme agents, certes, d'une collectivité territoriale ou d'un État, mais également comme citoyens, etc. Et donc à imaginer un travail qui soit pas simplement un travail d'exécution, mais un travail qui était profondément réfléchi, Anne Bott. Oui, en fait, ce qu'il faut peut-être pas oublier, c'est qu'à la plupart des services d'archives, que ce soit municipales ou départementales, il y a quand même un historien à la tête. Il y a d'ailleurs une relation qui serait, j'arrête pas de le dire, mais ça serait vraiment intéressant de voir la relation qu'ont les archivistes avec les historiens. Mmh. Il y en a beaucoup qui ont une thèse d'histoire, qui sont en train d'en faire une, qui l'ont pas finie. Directeur de Mondaville a fait une thèse à l'école de Rome en histoire médiévale. Et voilà, ils sont tous quand même, ils ont un lien avec l'histoire et surtout ils ont une vision contrairement aux historiens, c'est-à-dire que les archivistes, bon, je parle pas forcément de l'agent qui avant était policier municipal, quoique en l'occurrence il avait aussi une maîtrise d'histoire, mais c'est quand même des gens qui ont une vision de l'histoire qui est très très large. On n'a pas des médiévistes, des contemporanistes, etc. Vous voulez dire qu'ils sont en avance sur les historiens? Non, l'archiviste, il a une vision de l'histoire qui est très élargie. Il n'est pas enfermé dans sa discipline, même si il y a des archivistes qui sont plutôt médiévistes ou 18e-istes. Mais je veux dire, ils ont une vision très large de l'histoire. Donc ça veut dire qu'il faut se saisir de cette ouverture peut-être de champ. Plus qu'un historien qui travaille précisément sur une période. Julien Benedetti. Sur les relations entre archivistes et historiens, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, ce que je disais pour les archivistes vaut aussi pour les historiens. Il n'y a pas deux communautés qui seraient univoques, qui auraient les mêmes objectifs, les mêmes besoins. Donc, ce qui je trouve intéressant, c'est de voir que des deux côtés, il y a une richesse de débat sur ce que seront les matériaux de demain. Et effectivement, quand les historiens nous disent qui êtes-vous pour choisir ce que seront les matériaux de demain, qui sont les historiens pour eux-mêmes savoir ce que feront les historiens de demain. Sauf qu'effectivement, ce qu'ils connaissent peu, c'est que nous avons mis en place depuis maintenant quelques dizaines d'années une sorte des méthodologies, toute une réflexion professionnelle sur ce qu'on doit faire, pourquoi, pour éviter justement les biais, comme le fait un sociologue, comme le fait un ethnologue. Et effectivement, peut-être que le problème aujourd'hui, c'est de plus être une science annexe de l'histoire, mais d'être une science en soi. Que l'archivistique soit une science indépendante, qui puisse effectivement faire des choix. Comme l'archéologie était une science annexe de l'histoire et devenue une science en soi, c'est ce que vous voulez. Puisse faire des choix autonomes, peut-être que la problématique est là, mais notre effort de pédagogie, moi je pars toujours du principe que si quelqu'un n'a pas compris ce que je fais, c'est que je l'ai mal expliqué. C'est pas la faute de celui qui n'a pas compris. Et alors justement, si vous réfléchissez, on parlait tout à l'heure en début d'émission, de ce rapport qu'en tant qu'archiviste départemental, vous pouviez avoir avec un public qui pouvait être changeant. Ce public, on l'a dit, était d'abord des historiens qui faisaient dans les années 50, 60 et 70 leur thèse, et puis ensuite il y a eu un afflux des généalogistes. C'est qui le public aujourd'hui de vos archives départementales dans les Bouches-du-Rhône, là où vous travaillez par exemple, Julien Benedetti? C'est effectivement, alors c'est toujours des généalogistes, parce que comme disait Anne tout à l'heure, ce qui est numérisé, ce qui est en ligne, n'est vraiment qu'une infime partie de ce que nous avons, et surtout la partie historiquement, on va dire, la moins intéressante. Une fois que vous avez fait le tour de l'état civil pour faire votre généalogie, ça vous dit pas vraiment qui était votre ancêtre, ce qu'il faisait. Et là, effectivement, il faut venir. Donc là, il faut rentrer plus profondément. Il faut rentrer dans les documents et je pense pas qu'un jour on ait fait le tour de la numérisation complète de, par exemple, aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, on a 45 km, je pense pas qu'un jour on ait tout numérisé. Notamment parce que ce serait pas forcément très utile. Notre public, c'est donc encore des généalogies, c'est beaucoup de gens qui s'intéressent au patrimoine local. Moi, ça fait qu'un an que je suis en archives départementales et ce qui m'a vraiment étonné, le public auquel je m'attendais pas, c'est le citoyen lambda qui vit dans un quartier, qui voit des mutations. Alors à Marseille, par exemple, il y a des grosses mutations urbaines et qui va venir faire un petit peu l'historique de son quartier. Alors parce qu'il fait partie d'une association ou des fois même pas, juste parce que ça l'intéresse. Et ça, on en a, je trouve, proportionnellement beaucoup. Et c'est un public un peu invisible parce qu'il n'est pas forcément structuré. Ni en association, il n'est pas chercheur, il est cette espèce de zone grise finalement. Et voilà. Anne Bott, sur ces publicités publiques. Oui, il y a aussi les sociétés savantes qui s'intéressent aussi au patrimoine. Là, on est plus dans ce qu'on appelait les arts et traditions populaires locales. Et puis, il y a la généalogie, et puis tout ce qui touche aussi au fonds des notaires, qui sort beaucoup, qui est très demandé. Et puis le cadastre, parce que... On a le problème de propriété. Voilà. Donc, avec son voisin, il faut savoir qui a la bonne bande pour le bon champ. Vous avez des gens qui débarquent, je pense que tout le monde a vu ça en archives départementales, qui sont persuadés, vous avez quelqu'un qui est persuadé qu'il a une origine aristocratique, qui gratte, mais en fait non, il n'a pas du tout d'origine aristocratique. Et puis vous avez des gens qui ne connaissent pas les archives, qui sont totalement paniqués, qui ne comprennent rien au cadastre, etc. Et donc vous avez toujours des gens qui viennent en salle, qui sont là pour les renseigner. Moi, j'ai été très surprise par ça, par l'accueil en archives des gens très disponibles. Alors, ils sont enfin peut-être contents parce qu'ils voient que leur travail sert enfin à quelque chose et que pour une fois, il y a du public. Donc, ils sont patients, disponibles. Ils expliquent comment on se sert du mulot. Non, et vraiment, j'ai été très étonnée. Et chose que j'ai rarement vue dans les bibliothèques. Le mulot, c'est pas la souris qui court dans les archives départementales, qui est l'ennemi de l'archiviste. C'est ce qu'on utilise sur son ordinateur, bien évidemment. Alors, vous disiez quelque chose de tout à fait formidable dans votre livre Le sens du temps, Anne Bott, publié chez Anacharsis. C'est, vous vous posez une question qui est une question fondamentale qu'on va sûrement poser pendant toute cette série d'émissions. Est-ce qu'on pense vraiment que nous allons conserver les documents pour toujours? La question de cette éternité dans laquelle doit s'installer, a priori, l'archiviste, parce que s'il conserve, eh bien, il doit imaginer que les générations suivantes vont pouvoir consulter les documents qu'il a lui-même triés, classés, inventoriés, collectés. Mais c'est vrai que c'est un conservateur d'archives départementales, justement, qui disait que les archivistes sont engagés dans un projet qui est fou et ils sont seuls à apercevoir l'immensité de la tâche et la folie du projet qui les anime, quoi, pour l'éternité. Alors après, si on va voir du côté des restaurateurs et tous les métiers qui sont liés à la conservation préventive, ils sont quand même un peu moins optimistes que leurs collègues, hein, parce que... Mais sinon, l'idée, quand même, enfin, ce que disent les textes, c'est que les documents sont conservés pour l'éternité. Oui, d'ailleurs, il y a un site qu'il faut citer ici, qui s'appelle, je crois, Archives Populaires, Archives POF, qui est faite par une archiviste qui s'intéresse à la place, la représentation de l'archiviste Julien Benedetti dans les fictions. Que ça soit dans Star Wars, que ce soit dans les bandes dessinées de Skuyten et Peters, par exemple, avec ce caractère, effectivement, fou que vient de décrire Anne Bott de cette volonté de conserver la mémoire du monde. Et on n'est pas très loin de Borges, là, en l'occurrence. Ce qui est intéressant, effectivement, quand on creuse dans la culture populaire sur les archivistes, c'est qu'on se rend compte que les archives étant partout, les archivistes le sont aussi. Et qu'effectivement, on trouve dans toute une série de films, de livres, etc., effectivement, la place de l'archiviste. Alors, effectivement, qui est souvent un petit peu dépeint comme étant le gardien du temple. Ce qui est intéressant dans le dernier Star Wars, c'est qu'effectivement comment est sauvé à la fin le monde, c'est en chargeant un disque dur avec des plans. Et aujourd'hui notre métier c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas être le gardien du temple pour le futur, c'est de pouvoir garder aujourd'hui les plans d'un bâtiment avec le récollement réseau, parce que pour des raisons de sécurité incendie, pour trouver où il y a les conduites de gaz, c'est aussi important d'avoir des archives pour éviter des accidents. Et grandement notre travail c'est aussi ça, c'est pas garder des vieux livres et des vieux grimoires reliés en cuir, même si c'est aussi notre métier. Voilà. Et ça veut dire qu'il faudrait faire évoluer la représentation disons, habituelle de l'archiviste dans la société française aujourd'hui, enfin dans toutes les sociétés qui collectent et qui les collectent sérieusement leurs archives. On y travaille beaucoup au sein de l'association, effectivement, à travailler cette... L'association des archivistes français. Il y avait un colloque des archivistes communaux fin septembre qui s'appelait l'archiviste caméléon. Et c'était de montrer comment l'archiviste était capable aussi de s'adapter à toutes les situations, à sa structure, à ses différents collègues, de savoir faire de la pédagogie quand on disait pour collecter. Vous pouvez pas juste brandir la loi et dire c'est comme ça, ça marche pas. Donc effectivement, c'est comment l'archiviste a appris à être un médiateur, a appris à faire un petit peu feu de tout bois, à avoir les bons arguments pour convaincre les gens, que ça soit nos décideurs pour financer un bâtiment, les services versants pour déposer leurs archives. Dites-moi, on sait que les gouvernements ont institué des missions d'archives dans les ministères. Au niveau des archives départementales, c'est la même chose. Les conseils départementaux, on va, quand on change de majorité, par exemple, demander à ce qu'on conserve les documents du président du conseil général, du conseil départemental, de son cabinet, s'il en a un. Les archives politiques des cabinets, les collègues sont très aléatoires, avec un flou réel. Ce qu'on détruit beaucoup. Alors, pas forcément. C'est surtout que la problématique est qu'un élu ne fait pas de différence dans son bureau entre ce qu'il a produit à titre politique, ce qu'il a produit à titre d'élu, et des fois, il est élu à plusieurs endroits. Prenez le cas de l'ancien maire de Marseille, Gaston Defferre, qui a été maire de Marseille, président de la région PACA et ministre en même temps, plus élu au Parti Socialiste. Donc, par exemple, les fonds-là sont imbriqués. Donc, des fois, la collecte est difficile parce qu'effectivement, on a à la fois des archives privées, des archives publiques et qui sont de différentes natures. Mais ça, effectivement, là, on est vraiment dans le compromis et dans la pédagogie auprès des cabinets. Un dernier mot, Anne Bott, vous avez parcouru des services départementaux, des services municipaux, des services nationaux d'archives. Vous continuez ou vous arrêtez à ce niveau-là Là, j'ai quand même pas mal de matériaux. Hein. Je dois avoir une trentaine de... Je travaille avec des petits Moleskine. Ouais. Et je dois en avoir à peu près une trentaine qui sont numérotés, indexés, en fait quasi un travail archivistique. Et tous les entretiens, c'est pareil. Vous allez déposer vos archives, j'espère. Oui, alors voilà, ça... Comment vous dire ? Le problème des archives des chercheurs. C'est ça, voilà, vous voulez vraiment qu'on en parle ? Merci à tous les deux. Je rappelle, Anne Bott, que vous êtes auteur du Sens du Temps, avec une préface de Christian Autain dans la collection Les Ethnographiques, avec un sous-titre qui dit tout de ce qu'est ce livre. Le quotidien d'un service d'archives départementales, c'est aux éditions Anacharsis. Et merci, Julien Benedetti, de nous avoir donné l'idée de faire cette série et d'être venu dans cette émission d'ouverture. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Pierrick Monsigny nous a accompagnés toute la journée, enfin toute cette heure, à la technique, et toute la journée pourquoi pas, remarquez. Et Séverine Cassard à la réalisation.